éteindre la lumière. Éteignons la lumière. Attendre la fin, s'étreindre en vain, envers et contre rien. Envers et contre rien. L'obscure malice boit au calice de notre éternité, mais sans s'éterniser. Pourquoi l'apprendre sans se méprendre et ne rien déguiser sans ne rien mépriser. Voir et se voir comme si c'était la nôtre. Cette triste histoire, une vie qui nous taraude. Tendre au parfait, car rien ne satisfait nos vieux esprits malades, nos tendres gestes affables. Et un jour corrompu, un jour toi toute nue, la vie, l'amour, le cul, je sais ce que je ne sais plus. Voir et se mouvoir comme si c'était la nôtre. De cette triste histoire, une vie qui nous taraude. Et ce beau paysage, une herbe sauvage que je touche de mes mains, qui se couche mes deux mains. Le temps l'abîmera, étendu face à moi, ce corps si désirable deviendra misérable. Voir et s'émouvoir, et si c'était la nôtre, que cette triste histoire de la mort qui rôde.